Chapitre 114. Paris autrefois et aujourd'hui. Notre-Dame de Paris. Paris est l'image en raccourci de la France, et son histoire se confond avec celle de notre pays. On quitta les Halles et on se dirigea vers la Cité, qui est une île formée par la Seine au milieu de Paris. Pour s'y rendre, on traversa la Seine sur l'un des 22 ponts que Paris possède. Au milieu, France fit arrêter les enfants. « Regardez, leur dit-il, voici la Cité, le berceau de Paris. » C'était là qu'il y a 2000 ans, s'élevait une petite bourgade appelée Lutèce, s'abritant à l'ombre des grands arbres et de la verdure que fertilisait le limon du fleuve. La Seine leur servait de défense et de rempart, et deux ponts placés de chaque côté du fleuve permettaient de le traverser. Peu à peu, Paris s'est agrandi. Son histoire était celle de la France. À mesure que la France sortait de la barbarie, Paris, ces jours du gouvernement, s'élevait et prenait une importance rapide. Nul événement heureux ou malheureux pour la patrie, dont Paris et ses habitants n'aient subi le contre-coup. Et tout dernièrement encore, enfant, rappelez-vous que Paris, mal approvisionné, souffrant de la faim et du froid, a résisté 6 mois aux Allemands, quand on ne le croyait pas capable de tenir plus de 15 jours. Séparé de tout le pays par le cercle de fer des ennemis, il n'avait point d'autres nouvelles de la patrie que celles qui lui arrivaient sur l'aile des pigeons messagers, échappés aux balles allemandes. « Oh, j'aime Paris, dit Julien, et je suis bien content de le connaître. Mon oncle, ajouta-t-il ingénument, quand nous serons aux champs, nous ferons pousser du blé, nous aussi pour nourrir la France et le Grand Paris. » Tout en causant, on avait traversé le pont et on arriva en face de Notre-Dame, l'église métropolitaine de Paris. Ce fut le tour d'André de dire ce qu'il savait. « Petit Julien, vois-tu cette belle église tout ornée de dentelles découpées dans la pierre, de statues taillées avec art ? Elle aussi a incité au premier jour de la France. » La première église de Paris fut bâtie ici il y a 1500 ans. Elle s'appelait Notre-Dame. Lorsqu'elle devint trop petite et commença à tomber en ruine, on entreprit la construction de celle-ci sur la place même où était l'ancienne Notre-Dame, et on mit un siècle à la construire. Les voûtes de Notre-Dame, depuis lors, n'ont cessé de retentir chaque fois que la France était en péril ou en fête. Elles ont été l'écho des soupirs de tout un peuple. Leurs cloches ont sonné non seulement pour la naissance et la mort d'un homme, mais pour les espérances et les deuils de la patrie entière. « Oh, dit Julien, entrons donc nous aussi à Notre-Dame. Voulez-vous, mon oncle ? Et nous y prierons Dieu tous les trois pour la grandeur de la France. » Lutèce ou le Paris d'autrefois. Lutèce était dans une île de la Seine qui est la Cité d'aujourd'hui. Elle était habitée par une peuplade gauloise appelée les Parisiens, d'où est venu le nom de Paris. L'intérieur de Notre-Dame de Paris. C'est une des plus vastes nefs du Moyen-Âge. Elle a 180 mètres de long. Elle a 31 arcades terminées en courbe, élancées et pointues, qu'on appelle ogives. Elle est éclairée par 37 fenêtres et par de magnifiques roses en pierre découpées, qu'on nomme rosaces.